Le palais de la culture du peuple à Pyongyang a abrité le 4 mai le rassemblement au niveau central consacré au 80e anniversaire de la constitution de l'Association pour la libération de la patrie. Y ont pris part les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, comme Kim Yong-nam, un président de parti ami, les combattants révolutionnaires anti-japonais, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les familles des martyrs révolutionnaires, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, ainsi que les cadres et les novateurs des établissements, usines et entreprises de la ville de Pyongyang. Kim Yong-nam, membre du comité permanent du bureau politique et du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a fait le rapport. Il a dit: l'Association pour la libération de la patrie, fondée par le président Kim Il-sung le 5 mai de l'an 25 du juillet 1936, était la première organisation permanente de Front uni national anti-japonais en Corée, qui a mené les activités sur la base du principe du centralisme démocratique avec les programmes, statuts et systèmes d'organisation uniques. Elle était aussi une organisation de masse révolutionnaire clandestine puissante qui a garanti la direction du leader et du parti sur les forces patriotiques de toute la nation. La tradition de l'unité révolutionnaire créée par le président Kim Il-sung a été continuée brillamment et renforcée sensiblement par le général Kim Jong-il. Pour finir, il a souligné que le maréchal Kim Jong-un perpétue la noble idée de la grande unité nationale des grands leaders, déjoue les défis scélérats des forces sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays et dirige de façon clairvoyante la lutte pour réunifier la patrie par la force unie de toute la nation.